étoiles pleines de malice. Dans les yeux des petits malins, le feu crépite et le temps glisse. Noël en famille sous la neige qui tombe, des rires, des chansons. C'est ça la vie. Les chaussettes pendent près du feu. Une odeur d'orange et de cannelle. Les souvenirs chantent dans nos yeux. Ici tout respire. Noël en famille sous la neige qui tombe, des rires, des chansons, la nuit qui nous inonde, les cœurs serrés, la table remplie. C'est ça Noël, c'est ça. Leurs ombres dansent parmi nos chants. Les échos tout d'un autre temps. Mais leur amour reste vivant.